La maison tragique de Jules Lhermina, où Toto Fouinard, aidé d'un perroquet et d'une poignée de farine, traque un criminel sur les fortifs. Chapitre 1er. Le triple assassinat du boulevard Bourdon. Si blasé que soit Paris par les drames criminels qui s'y déroulent trop souvent, cependant, il y eut un sursaut de surprise effrayée quand, un matin, les journaux arborèrent en caractère d'affiche ces titres apparents « Une maison tragique »,« Le mari, la femme et l'enfant assassinés », »,« Le mystère du quai Bourbon ». Chaque journal variait les formules, mais le fait était le même. Un crime épouvantable venait d'être commis et, comme toujours, l'assassin ou les assassins étaient inconnus. En s'inspirant des divers récits, parfois contradictoires, dans les détails, l'affaire se reconstituait ainsi. Au numéro 17 du boulevard Bourdon qui longe le canal, entre la Bastille et la place Mazas, se trouve entre deux hautes constructions modernes une petite maison visée à bref délai par la pioche des démolisseurs à un étage peu spacieuse et d'aspect plus que modeste. Cette maison, qui ne peut être louée à long bail en raison de sa disparition prochaine, était occupée depuis un an environ par une famille composée de trois personnes. Le père, M. Prouveau, âgé d'une trentaine d'années, qui travaillait comme auxiliaire dans le bureau de l'inspecteur du canal, la mère à peu près du même âge et un petit garçon de 6 à 7 ans. Ils vivaient très enfermés, ne fréquentant pas leurs voisins. M. Prouveau sortait régulièrement tous les matins, se rendant à son travail. N'ayant que le quai à traverser, revenait pour déjeuner à midi, restait environ 1 heure chez lui et quittait de nouveau son domicile pour n'y plus rentrer qu'entre 6 et 7 heures du soir. La femme allait faire ses provisions le matin, puis dans l'après-midi promenait son petit garçon sans jamais s'éloigner du boulevard, où on était habitué à la voir, si le temps était beau, travaillant sur un banc, tandis que le petit jouait à ses pieds. Le soir, les époux Prouveau ne sortaient jamais. Ils dînaient fort tard, le mari n'allait jamais au café et ne s'était lié avec personne. Quant à la femme, quelquefois les promeneurs, assez rares d'ailleurs, du boulevard Bourdon, avait essayé par bienveillance de lier conversation avec elle, mais elle paraissait timide, embarrassée, et trouvait toujours un prétexte pour s'éloigner avec quelques mots de remerciement apeurés prononcés à voix basse. Le laitier et la boulangère venaient tous les matins de bonne heure. Ils sonnaient, la porte s'ouvrait, la femme Prouveau prenait les marchandises et payait quotidiennement. On leur avait offert crédit d'un mois avec livre, mais elle avait refusé. Au matin sinistre, laitier et boulangère avaient sonné à 7 heures sans recevoir de réponse. Bien que le fait fût inhabituel, ils ne s'en étaient pas émus et avaient laissé l'une, le pain à côté dans le coin de la porte, l'autre, la boîte au lait accrochée au bouton de cuivre. Ainsi agissait-il pour d'autres clients et jamais aucun larcin n'avait été commis. Mais à 9h15, le garçon du bureau de l'inspecteur se présenta à son tour. Prouveau, dont l'exactitude était parfaite, n'avait pas paru et l'inspecteur, M. Pousselet, fort surpris de ce manquement à des habitudes invétérées, envoyait l'homme pour s'enquérir si son employé était malade. Le garçon, barre-loin, sonna, frappa, tambourina des poings et des pieds, sans que rien ne bougeât à l'intérieur. Il redoubla ses coups et ses appels, qui peu à peu attiraient les quelques voisins, et un groupe se formait sur le trottoir. En même temps, on entendit à l'intérieur une voix, comme venant de loin, voix étrange, indistincte, et qui disait des mots dont le sens n'était pas compris. Que se passait-il donc? Fallait-il enfoncer la porte? À toutes jambes, Barloin courut sur le quai et ramena M. Pousselet, qui comprit immédiatement l'étrangeté de l'affaire et envoya chercher simultanément un serrurier et le commissaire de police du quartier. Le magistrat ne se fit pas attendre. Il était accompagné de 2 inspecteurs. En même temps, arrivait le serrurier. Les cris venant de l'intérieur redoublaient, mais toujours aussi difficile à interpréter. Était-ce donc un appel au secours, la lamentation affolée d'un agonisant? Le serrurier, sur ordre du commissaire, s'escrimait contre la porte, dont la serrure, solide et fermée à double tour, résistait à tous les efforts. Il fallut avoir recours à la pince. « Brisez tout !» avait dit le commissaire, « mais ouvrez !» Des pesées répétées et violentes eurent enfin raison de la solidité du bois qui éclata. « Il y a une chaîne à l'intérieur !» dit alors le serrurier. « Sacré Dieu, voilà une maison bien défendue !» Passant le bras par l'ouverture, il eut quelque peine à détacher la chaîne qui tomba sur le sol avec un bruit de ferraille. et enfin la porte tourna sur ses gonds. Le poste de police, averti, avait envoyé des sergents de ville qu'on établit sur le trottoir, avec mission de tenir les curieux à distance. Le commissaire entra résolument, accompagné de M. Posselet. Dans un étroit vestibule, sur lequel s'attachait l'escalier conduisant au premier étage, rien. Deux portes s'ouvraient, l'une à droite, l'autre à gauche. Par celle de droite, on vit une petite pièce, presque vide de meubles, où se trouvaient des outils de ménagère, une planche à repasser sur des tréteaux, un panier plein de linge, des cordes à étendre sur lesquelles pendaient quelques chemises. « Encore rien, » dit le commissaire. « Par ici, maintenant. » La porte de gauche était entr'ouverte. Il laissa échapper un cri d'horreur, répété par M. Posselet et par les deux inspecteurs. En effet, jamais scène de carnage ne fut plus affreuse. Il y avait là une table servie, sur laquelle était à demi étendu, les jambes pendant jusqu'au sol, un homme qui portait à la gorge une plaie béante, horrible. Le sang, jaillissant à flots, s'était répandu sur la poitrine et y formait comme une cuirasse rouge. Et auprès de la table, gisait, roulé en tas, c'est l'expression d'un témoin, une femme dont le dos était sinistrement maculé de sang. « Ah, les malheureux ! C'est Prouveau et sa femme !» cria M. Posselet. « Mais l'enfant, où est l'enfant ?»« Le voilà !» répliqua le commissaire qui, avec l'aide d'un de ses inspecteurs, avait relevé le corps de la femme. « Le pauvre petit est tombé sous sa mère. Ah, voyez cette plaie qu'il porte au visage !» En effet, la figure du malheureux enfant avait été labourée de haut en bas par un coup de couteau. « Mais il n'est pas mort !» fit encore le commissaire. « Non, non, il respire, vite, qu'on aille chercher un médecin !»« Hélas !» dit M. Posselet. « Pour Prouveau et sa femme, il est trop tard. Voyez, leurs membres sont déjà raidis. La mort remonte à plusieurs heures. » Au moment où il prononçait ces paroles, le cri rauque, strident, inarticulé, qu'ils avaient entendu de l'intérieur retentit de nouveau. « Il y a quelqu'un ici !» cria le commissaire. « Au premier, sans doute, vite, montons !» Et les deux hommes gravirent les marches de l'escalier en quelques bonds. Les cris redoublaient. La porte d'une chambre était ouverte. Ils s'y précipitèrent. C'était la chambre à coucher. Il y eut un bruit étrange, ou plutôt un bruissement précipité comme du papier violemment froissé. Un vase sur la cheminée se culbuta et tomba, se brisant en mille pièces sur le marbre devant l'âtre. Une voix, toujours la même, aiguë, crissante, cria « Ça y est où ? Ça y est où ?» « Un perroquet !» clama M. Posselet. « Voyez l'animal, est là-haut, sur l'armoire à glace. » Sur le pignon de la corniche, un perroquet vert était perché, la crête hérissée, les yeux ronds, les plumes en plumeaux. Il semblait se cramponner au bois de ses griffes et répétait, hurlait « Ça y est yo ! Ça y est yo !» C'était cet animal qui poussait les cris entendus du dehors. « Voyez !» dit l'inspecteur du canal, se désintéressant de cette bête absurde, le lit n'a pas été défait. La chambre, sauf le désordre qui a porté cet oiseau, est dans un état absolument normal. Le crime atroce a été commis pendant que cette malheureuse famille était à table. On entendit du bruit en bas. C'était un médecin du voisinage qui venait à l'appel du magistrat. Il ne put que constater la mort des époux Prouveau. Le mari avait été égorgé d'un seul coup de couteau très affilé qui avait tranché la carotide. Quant à la femme, un coup porté sans doute par la même arme l'avait atteinte à la poitrine. Il était probable que le cœur avait été atteint et que la mort avait été foudroyante. Quant à l'enfant, il était difficile de démêler s'il avait été blessé par un coup direct ou par une déviation de l'arme qui frappait sa mère. « Il semble, dit le médecin, que la mère fût assise là, en face de son mari, tenant le petit sur ses genoux. Elle se serait élancée pour défendre son mari, ayant l'enfant dans les bras. Et l'assassin l'aurait frappé de son couteau en atteignant le gosse au visage. Cet enfant d'environ 7 ans, assez fort pour son âge, n'était connu que sous le nom de Jaco ou Yaco, qu'on avait entendu prononcer par sa mère. On l'avait relevé et étendu sur un matelas qu'on était allé chercher dans la chambre du premier. Le docteur ne pouvait pas encore se prononcer sur les suites de la blessure qui partait du haut du nez pour, passant par le larmier de l'œil droit, descendre jusqu'à la bouche, dont la lèvre supérieure était coupée. Cependant, malgré l'état d'évanouissement, presque de coma, dans lequel il se trouvait, il ne semblait pas que sa vie fût en danger. Le perroquet qui, de temps à autre, poussait encore des cris de détresse, toujours sous la même forme, « Saïo ! Saïo !» fut capturé par un sergent de ville qui reçut de vigoureux coups de bec et fourré sans aménité dans une cage qui pendait au mur de la salle à manger et dont la porte avait été trouvée ouverte. Ce fait s'expliquait aisément. Ce perroquet, que connaissaient les fournisseurs, était tout à fait apprivoisé. Monsieur Prouveau, quand elle ouvrait sa porte, le portait souvent sur l'épaule. Il accueillait les visiteurs par un mot de bienvenue qu'il ne comprenait pas, étant sans doute de l'invention de l'animal, quelque chose comme Bondy. Et même, Madame Prouveau semblait l'appeler papa. Pendant le repas, il devait probablement se tenir auprès de la table sur un bâton qu'on trouva renversé sur le plancher. L'autorité ayant été prévenue, une enquête commença. Le petit garçon, après un pansement sommaire, fut transporté à l'hospice des enfants malades, où les soins les plus empressés le ranimèrent. La terrible scène à laquelle il avait assisté avait ébranlé son cerveau à ce point qu'il lui était impossible de prononcer une seule parole. Il ne proférait que des gémissements inarticulés. Le repos le plus absolu était prescrit. Quant à ses blessures, on avait constaté que l'œil était sauf et que très probablement elle ne laisserait que des traces peu visibles et qui ne le défigureraient point. Les premiers renseignements recueillis ne jetaient pas une grande lumière sur la sinistre tragédie dans laquelle les époux Prouveau avaient trouvé la mort. Personne ne connaissait intimement ce ménage qui semblait très uni et se tenait, comme nous l'avons dit, tout à fait à l'écart. C'était au mois d'août de l'année précédente, c'est-à-dire environ 14 mois auparavant, qu'il s'était présenté dans un hôtel de la rue de l'île Saint-Louis, dit hôtel des deux quais, et avait loué une petite chambre dans laquelle il s'était installé avec le petit Jacou. L'hôtelier s'était contenté de prendre leur nom qui était inscrit comme suit sur le livre de police. Prouveau. Le nom avait d'abord été écrit Prouveau, puis avait été corrigé. Pierre, 30 ans, employé, venant de Marseille. Madame Prouveau, Hélène, sans âge et enfant. Ils étaient évidemment du Midi. Le mari se dénonçait par son accent comme provençal. La femme parlait peu et très bas. Tous deux étaient très bruns, même un peu noirs de peau. Les cheveux du mari étaient crêpelés, presque bleuâtres. M. Posselet avait été quelque peu embarrassé pour expliquer les circonstances dans lesquelles il avait accueilli Prouveau dans ses bureaux. L'homme s'était présenté chez lui un matin, demandant s'il n'y aurait pas un travail d'écriture à faire. Justement, l'inspecteur de la navigation se trouvait surchargé d'occupation et songeait à s'adjoindre un auxiliaire pour des copies à exécuter rapidement. « Montrez-moi votre écriture, » dit-il à Prouveau, en lui désignant une chaise. L'autre avait obéi. L'écriture était magnifique. De plus, sa physionomie était honnête. « Il me plut tout de suite, » dit M. Posselet. « Je devinais un brave homme et je ne l'interrogeais que très sommairement. Je pris son nom. J'acceptai son dire à savoir qu'il arrivait du Midi de la France avec sa femme et son enfant. Puis, forcé de me rendre immédiatement à la direction centrale, je l'installai et m'en allai le laissant à son travail. » Quand je revins plusieurs heures plus tard, je fus ravi de la précision, de la netteté avec laquelle mes copies étaient faites, et je l'engageai définitivement, sans plus ample informer. Il parlait fort peu, pour ainsi dire par monosyllabes, mais sa correction, son assiduité, son exactitude étaient impeccables. Je n'avais qu'à me louer de lui sous tous les rapports. Il fut bien vite de la maison. Personne, pas même moi, ne songea à lui adresser des questions sur son origine, sur son passé. Il recevait 150 francs par mois et paraissait très heureux de son sort. C'est moi qui lui indiquai la petite maison du boulevard Bourdon dont le loyer est des plus modestes et qui présentait cet avantage de se trouver à quelques pas de son bureau. Comme il était à mon service personnel et ne dépendait pas de l'administration centrale, j'obéis, je l'avoue, à mes sympathies particulières, et je reconnais très volontiers que je regrette aujourd'hui de ne l'avoir pas questionné davantage. Je ne sais donc rien de plus et ne puis, hélas, fournir aucune information qui puisse éclairer la justice. » Cette déclaration ne faisait qu'augmenter le mystère qui planait sur cette navrante tragédie. Mais d'autres circonstances encore vinrent compliquer les difficultés. Nous avons dit que le serrurier avait trouvé la porte fermée à double tour et de plus, muni de sa chaîne intérieure qui ne se pouvait adapter que du dedans. Donc il est impossible d'admettre que c'est par cette porte que l'assassin, un ou plusieurs, s'est introduit. Il ne peut s'être non plus enfui par cette issue, car à supposer qu'il était muni de la clé et a pu faire jouer le pen de l'intérieur, il n'aurait pas pu remettre la chaîne dans son appareil. Les êtres de la maison ont été examinés avec le plus grand soin, et voici ce qu'on a constaté. Encastrée, comme on le sait, entre deux hautes constructions, hôtel particulier, elle n'a, avec ces deux maisons, aucune communication. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage que surmonte un toit d'ardoise à pente très raide, de pièces minuscules à chaque étage, pas de grenier. Derrière la maison s'étend une courette de 10 à 12 mètres de superficie, close elle aussi sur les parties latérales par les pignons des hôtels voisins, dépourvue de toute ouverture et dans le fond, par un mur très haut, jouxtant la maison qui s'étend jusqu'à la rue de Crillon et qui est occupée par les ateliers de la maison Leclerc, appareils de chauffage et fumisterie. Dans cette courette qui forme un véritable in-pace où jamais ne pénètre le soleil, se trouve un puits commun avec la maison Leclerc. Ce puits bourbeux est abandonné. On l'a sondé et on a constaté qu'il descend au-dessous du niveau du canal dont sans doute les infiltrations l'alimentent. Il est en maçonnerie pleine. Le mur du côté de la maison Leclerc est lisse, ne présente ni fissures ni crevasses, et il est matériellement impossible de le gravir pour passer par-dessus. L'hypothèse d'une escalade doit donc être écartée, et quand on songe qu'il a près de 4 mètres de haut et que dans la courette des prouveaux, il ne se trouve aucune échelle, il n'est pas de clown qui, en admettant qu'il eût pu atteindre, par des moyens invraisemblables, la crête de ce mur, se fût hasardé un pareil saut dans lequel il se serait infaillablement brisé les membres. Comment donc l'assassin a-t-il pu s'introduire dans une maison hermétiquement close et en sortir? En dehors de la porte d'entrée donnant sur le boulevard et qui, nous le répétons, était fermée de l'intérieur, il n'existe qu'une issue donnant sur la courette, elle est en contrebas de l'antichambre dans une pièce située en sous-sol et qui sert de cuisine. Cette pièce, d'aspect assez bizarre, faisait évidemment partie de substructions anciennes, remontant au moins au XVIIe siècle, et qui servait de fondation à quelques grandes constructions de campagne hors des remparts Saint-Antoine. C'est une haute chambre, à arc surbaissé, avec une vaste cheminée dont la haute a été bouchée. Elle prend jour par une demi-fenêtre sur la courette et n'a de communication avec la maison que par une porte où on arrive par quelques marches et qui débouche sur le vestibule. On ne peut donc s'introduire par là qu'à la condition expresse d'avoir d'abord traversé la courette et le problème reste entier. Les corps des époux Prouvaud avaient été transportés à la morgue et exposés en public. On imaginait volontiers que ces deux pauvres gens portaient un nom qui n'était pas le leur. De là à supposer qu'ils se cachaient, le pas avait été bien vite franchi. Mais cette hypothèse eût-elle été justifiée qu'elle ne servait pas à éclaircir le mystère de leur assassinat? Tout Paris avait défilé devant les cadavres de ces malheureux et personne ne les avait reconnus. Mais encore, une fois les journaux enregistraient les protestations enflammées des Parisiens qui ne pouvaient admettre que pareille boucherie se pût perpétrer dans la ville et que la police restait impuissante à en découvrir les auteurs. La maison tragique était devenue un but de pèlerinage. Bien qu'elle eût été définitivement fermée et que personne ne songeât à l'habiter, la foule stationnait devant cette façade lépreuse, dont les quatre fenêtres, dont deux au rez-de-chaussée garnies de gris qu'on avait reconnues intactes, semblaient garder leur éternel secret. Les reporters étaient tous en campagne. Une émulation s'était établie entre eux. Des détectives étaient même venus d'Angleterre faire concurrence à nos policiers amateurs. Les jours passaient, et la curiosité générale, loin de s'éteindre, semblait grandir. Les obsèques des deux victimes avaient lieu avec un éclat inaccoutumé. Obéissant à la pression de l'opinion publique, la ville s'était chargée de tous les frais. Plus de 20 000 personnes avaient conduit ces malheureux à leur dernière demeure, et au retour du cimetière de Bagneux, un groupe était venu manifester devant la préfecture de police, huant le préfet, M. Larose, et conspuant le chef de la sûreté. Quelques jours après, un fait assez mystérieux vint réveiller l'attention et porter l'agitation à son paroxysme. Nous avons dit que l'enfant, le petit Jaco, on ne le connaissait que sous ce prénom familier, que l'on avait entendu tomber des lèvres de sa mère, avait été transporté à l'hôpital des enfants malades où il était l'objet des soins les plus attentifs. Ce pauvre petit, à la suite de la secousse ressentie, avait été pris d'une fièvre cérébrale avec délire intense. On avait dû le placer dans une chambre spéciale où il était veillé jour et nuit par les infirmières, chargé en outre de recueillir toutes les paroles qui s'échapperaient de sa bouche dans l'espoir qu'elles pourraient fournir un indice quelconque sur la scène à laquelle il avait assisté. L'hôpital est, on le sait, rue de Sèvres. Il a longtemps été connu sous le vocable de l'Enfant Jésus. La partie du bâtiment qui est affectée au service des garçons donne sur un vaste jardin, un véritable parc, qui s'étend jusqu'à la rue de Vaugirard. La chambre où le petit Prouvot est soigné, située au rez-de-chaussée, très surélevée, est éclairée par une vaste fenêtre donnant sur un beau carré d'arbres. Cette nuit-là, vers 5 heures du matin, l'infirmière, qui somnolait au pied du lit de l'enfant, s'éveilla brusquement. Elle avait entendu une sorte de craquement qui avait suffi pour la tirer d'un sommeil très léger auquel elle ne s'abandonnait qu'avec la certitude de percevoir le moindre bruit. La pièce n'était éclairée que par une veilleuse. Le craquement lui avait paru venir du côté de la fenêtre. Elle bondit sur ses pieds. À ce moment, une des vitres se détacha de son alvéole et disparut à l'extérieur, tandis qu'une main apparaissait par l'ouverture ainsi pratiquée à la hauteur de l'espagnolette. Cette courageuse femme courut vers la fenêtre et d'un coup de poing bien appliqué frappa cette main qui se retira vivement pendant que l'infirmière faisait tinter violemment la sonnette d'alarme. Deux veilleurs accoururent. Elle les mit au courant et ils s'élancèrent dans le jardin à la poursuite de l'intrus mystérieux. Une battue fut rapidement organisée, mais par malheur et par nécessité, on avait perdu un temps précieux. L'inconnu avait disparu. On ne put que relever ses traces sur le sable, et on reconnut qu'il s'était introduit par le mur de la rue de Vaugirard en s'aidant des brancards d'une charrette qui, à la suite d'un accident, avait été abandonnée à cette place jusqu'au lendemain. On se perd en conjectures. S'agit-il là d'une simple tentative de cambriolage? La chambre du petit malade touche justement au bureau de l'économe et le malfaiteur s'était-il imaginé qu'il trouverait de l'argent dans les tiroirs? Et alors s'était-il trompé de fenêtre? La chose est possible. Ou bien était-ce un nouvel attentat dirigé contre le malheureux innocent qui avait une fois déjà échappé au couteau d'un assassin? L'infirmière n'avait pu, on le comprend, fournir aucun signalement de l'individu dont elle n'avait aperçu que la main, une main noirâtre, disait-elle, où les muscles saillaient comme des cordes. Mais même ces indications sommaires étaient-elles bien exactes, elle n'aurait pu l'affirmer. L'administration commit une bévue. Elle essaya de faire le silence sur cette aventure bizarre et quand un reporter, informé le diable sait par qui, la raconta avec tous ses détails, jusqu'au nom et l'adresse de l'infirmière, elle répondit par un communiqué négateur. À quoi le journal répliqua à son tour par le témoignage écrit d'un des bailleurs qui avait poursuivi l'homme dans le jardin et qui avait raconté toute l'affaire par lettre à un de ses parents. On publia l'autographe, prenant ainsi l'administration en flagrant délit de mensonge, ce qui comble à d'aise les perpétuels ennemis de l'assistance publique. Ce fut alors qu'un journal lança dans le public un supplément fait d'un quart de feuille, et pourtant ces simples mots « Eh bien, et Fouinard !»